Cinquième journée, chapitre 3. Dès 2h30, le train blanc, qui allait quitter Lourdes à 3h40, se trouva en gare, le long du deuxième quai. Il avait attendu 3 jours sur une voie de garage, tout formé tel qu'il était arrivé de Paris. Et depuis qu'on venait de l'amener là, des drapeaux blancs flottaient sur les wagons de tête et de queue pour l'indiquer aux pèlerins, dont l'embarquement d'ordinaire était très long et fort laborieux. Les 14 trains du pèlerinage national, d'ailleurs, devaient repartir ce jour-là. À 10 heures du matin, le train vert était parti, puis le train rose, puis le train jaune, et, après le train blanc, les autres, l'oranger, le gris, le bleu, suivraient. C'était encore, pour le personnel de la gare, une journée terrible, un tumulte, une bousculade qui affolait les employés. Mais le départ du train blanc était toujours le vif intérêt, la grosse émotion de la journée, car il emportait les grands malades qu'il avait apportés, et parmi lesquels se trouvaient naturellement les bien-aimés de la Sainte Vierge, les élus du miracle. Aussi, une foule se pressait-elle sous la marquise, obstruant le vaste promenoir couvert, long d'une 100 mètres. Tous les bancs étaient occupés, encombrés de pèlerins et de paquets qui attendaient déjà. À l'un des bouts, on avait pris d'assaut les petites tables du buffet. Des hommes buvaient de la bière, des femmes se faisaient servir de la limonade gazeuse. Tandis que, devant la porte des messageries, à l'autre bout, des brancardiers maintenaient le passage libre pour assurer le rapide transport des malades qu'on allait amener. Et c'était, le long du large trottoir, une incessante promenade, un va-et-vient continu de pauvres gens effarés, de prêtres courants se prodiguant, de messieurs en redingotes curieux et paisibles, tout un entassement de cohues, la plus mêlée, la plus bariolée qui se fût jamais coudoyée dans une gare. À 3 heures, le baron Suire se désespéra, plein d'inquiétude, parce que les chevaux manquaient, un grand arrivage inattendu de touristes ayant loué les voitures pour Barège, Cotteret, Gavarnie. Enfin, il se précipita vers Berthaud et Gérard, qui accouraient après avoir battu la ville. « Mais tout marchait à merveille » affirmait-il. Ils avaient racolé les chevaux nécessaires, le transport des malades s'opérait en d'excellentes conditions. Déjà, dans la cour, des équipes de brancardiers, avec leurs brancards et leurs petites voitures, guettaient les fourgons, les tapissières, les véhicules de toutes sortes, recrutés pour le déménagement de l'hôpital. Une réserve de matelas et de coussins s'entassait au pied d'un bec de gaz. Et comme les premiers malades arrivaient, le baron Suire perdit de nouveau la tête, tandis que Berthaud et Gérard se hâtaient de gagner le quai d'embarquement. Ils surveillaient, ils donnaient des ordres, au milieu de la bousculade croissante. Alors, sur le quai, le père Fourcade, qui se promenait le long du train, au bras du père Mathias, s'arrêta en voyant venir le docteur Bonamy. « Ah, docteur, je suis heureux! Le père Mathias, qui va partir, me parlait encore à l'instant de la faveur extraordinaire dont la Sainte Vierge a comblé cette jeune fille si intéressante, mademoiselle Marie de Guersin. Voilà des années qu'un miracle si éclatant n'avait pas eu lieu. C'est une insigne fortune pour nous tous. C'est une bénédiction qui doit féconder le fruit de nos efforts. Toute la chrétienté en sera illuminée, réconfortée, enrichi. » Il rayonnait d'aise, et le docteur immédiatement exulta lui aussi, avec sa face rasée, aux gros traits paisibles, aux yeux là d'habitude. « C'est prodigieux, prodigieux, mon révérend père. J'écrirai une brochure. Jamais guérison ne s'est produite par les voies surnaturelles d'une façon plus authentique. Oh, quel tapage cela va faire !» Puis, comme tous les trois s'étaient remis à marcher, il s'aperçut que le père Fourcade traînait la jambe davantage, en s'appuyant fortement au bras de son compagnon. « Est-ce que votre accès de goutte s'est aggravé, mon révérend père ? » demanda-t-il. « Vous paraissez beaucoup souffrir. »« Oh, ne m'en parlez pas. Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. Est-ce ennuyeux, cette crise qui m'a pris le jour de mon arrivée ici? Elle aurait bien dû attendre. Mais il n'y a rien à faire, n'en parlons pas. Je suis trop content des résultats de cette année. Ah, oui, oui, dit à son tour le père Mathias, d'une voix tremblante de ferveur. Nous pouvons être fiers, nous pouvons nous en aller, le cœur débordant d'enthousiasme et de reconnaissance. En dehors de cette jeune fille, que d'autres prodiges! Les miracles ne se comptent plus. Des sourdes et des muettes guéries, des faces rongées de plaies redevenues lisses comme la main, des phtisiques moribondes qui mangent, qui dansent, ressuscitées. Ce n'est plus un train de malade, c'est un train de résurrection, un train de gloire que j'emmène avec moi. Il avait cessé de voir les malades autour de lui. Il s'en allait en plein triomphe divin, dans l'aveuglement de sa foi. Et tous les trois continuèrent leur lente promenade le long des wagons dont les compartiments commençaient à se remplir, souriant aux pèlerins qui les saluaient, s'arrêtant de nouveau parfois pour dire une bonne parole à quelque triste femme qui passait, pâle et grelottante, sur un brancard. Il déclarait qu'elle avait bien meilleure mine, qu'elle s'en tirerait sûrement. Mais le chef de gare, très affairé, passa en criant d'une voix aiguë « N'encombrez pas le quai! N'encombrez pas le quai !» Puis, comme Berthaud lui faisait observer qu'il fallait pourtant poser les brancards avant de monter les malades, il se fâcha. « Voyons, est-ce raisonnable? Regardez là-bas, la petite voiture qui est restée en travers de cette voie. J'attends dans quelques minutes le train de Toulouse. Voulez-vous donc qu'on vous écrase votre monde ?» Et il repartit en courant pour poster des hommes d'équipe qui écarteraient des voies le troupeau effaré des pèlerins, piétinant au hasard. Beaucoup, des vieux, des simples, ne reconnaissaient même pas la couleur de leur train. Et c'était pourquoi tous portaient au cou une carte de couleur appareillée, afin qu'on les dirigeât, qu'on les embarquât, comme du bétail marqué et parqué. Mais quelle alerte continue, ces 14 départs de trains supplémentaires, sans que la circulation des trains habituels s'arrêtât. Pierre, sa valise à la main, arriva, eut déjà de la peine à gagner le quai. Il était seul. Marie avait témoigné l'ardent désir de s'agenouiller une fois encore à la grotte pour que, jusqu'aux minutes dernières, son âme brûlât de reconnaissance devant la Sainte Vierge. Et il avait laissé M. de Guersin les conduire, pendant que lui réglait à l'hôtel. D'ailleurs, il leur avait fait promettre de prendre ensuite une voiture. Ils allaient être sûrement là avant un quart d'heure. En les attendant, sa première idée fut de chercher leur wagon et de s'y débarrasser de sa valise. Mais ce n'était pas une besogne facile. Il ne le reconnut enfin qu'à la pancarte qui s'y balançait depuis 3 jours sous le soleil et les orages. Un carré de papier fort portant les noms de Madame de Jonquière, de Sœur Hyacinthe et de Sœur Claire des Anges. C'était bien lui. Il revoyait en souvenir les compartiments pleins de ses compagnons de route. Des coussins marquaient déjà le coin de M. Sabatier. Et il retrouvait même, sur la banquette où Marie avait tant souffert, une entaille laissée dans le bois par une ferrure du chariot. Puis, lorsqu'il eut posé sa valise à sa place, il resta sur le quai, patientant, regardant, un peu surpris de ne pas apercevoir le docteur Chassaigne, qui lui avait promis de venir l'embrasser au départ. Maintenant que Marie était debout, Pierre avait abandonné ses bretelles de brancardier et il ne portait plus sur sa soutane que la croix rouge des pèlerins. Cette gare, entrevue seulement sous le petit jour livide, dans l'angoisse du terrible matin de l'arrivée, le surprenait par ses vastes trottoirs, ses larges dégagements, sa gaieté claire. On ne voyait pas les montagnes, mais de l'autre côté, en face des salles d'attente, montaient des coteaux verdoyants, d'un charme délicieux. Et cet après-midi-là, le temps était d'une infinie douceur. Un fin duvet de nuages avait voilé le soleil, dans un ciel d'une blancheur de lait, d'où ne tombait qu'une grande lumière diffuse, comme une poussière nacrée de perles. un temps de demoiselle, ainsi que disent les bonnes gens. 3 heures venaient de sonner, et Pierre regardait la grande horloge lorsqu'il vit arriver Madame des Agneaux et Madame Volmar, que suivaient Madame de Jonquière et sa fille. Ces dames, qu'un landau amenait de l'hôpital, cherchèrent, elles aussi, leur wagon de suite. Ce fut Raymond qui reconnut le compartiment de première classe dans lequel elle était venue. « Maman, maman, par ici, le voilà !»« Reste un peu avec nous, tu as le temps d'aller t'installer avec tes malades, puisqu'ils ne sont pas là encore. » Et Pierre, alors, se retrouva en face de Madame Volmar. Leurs regards se rencontrèrent. Mais il ne la reconnaissait pas. Elle eut à peine un léger battement de cils. C'était de nouveau la femme vêtue de noir, lente, indolente, d'une modestie effacée, heureuse de disparaître. Le brasier de ses larges yeux était mort, se ravivant par instants d'une étincelle sous leur voile d'indifférence, une moire d'ombre qui semblait les éteindre. Oh, une migraine atroce, répétait-elle à Madame des Agneaux. Vous voyez, je n'ai pas encore ma pauvre tête à moi. C'est le voyage qui me donne ça. Tous les ans, je suis sûre de mon affaire. Plus vive, plus rose, plus ébouriffée que jamais, l'autre s'agitait. Ma chère, pour le moment, j'en ai autant à votre service. Oui, ça m'a prise ce matin. Une névralgie a tout cassé. Seulement... Elle se pencha, poursuivit à voix basse. « Seulement, je crois que ça y est. Oui, ce bébé que je désire tant, qui ne veut pas pousser. J'ai supplié la Sainte Vierge et j'ai été malade. Oh, malade à mon réveil. Enfin, tous les signes. Voyez-vous la tête de mon mari qui m'attend à Trouville. Sera-t-il heureux ?» Très sérieuse, Madame Volmar écoutait. Puis, de son air tranquille, « Eh bien, moi, ma chère, je connais une personne qui ne voulait plus avoir d'enfant. Elle est venue ici. Elle n'en a plus fait. » Mais Gérard et Berthaud, ayant aperçu ces dames, se hâtèrent d'accourir. Le matin, à l'hôpital de Notre-Dame-des-Douleurs, les deux hommes s'étaient présentés et Madame de Jonquière les avait reçus dans un petit bureau voisin de la lingerie. Là, très correctement, en s'excusant avec une bonhomie souriante de cette démarche un peu bousculée, Berthaud avait demandé la main de Mademoiselle Raymonde pour son cousin Gérard. Tout de suite, on s'était senti à l'aise. La mère avait eu un attendrissement en disant que Lourdes porterait bonheur au jeune ménage. De sorte que le mariage se trouva ainsi conclu en quelques paroles au milieu de la satisfaction générale. Même, on prit rendez-vous, le 15 septembre, au château de Berneville, près de Caen, une propriété de l'oncle, le diplomate, que Berthaud connaissait, et chez lequel il promit de mener Gérard. Puis, Raymonde, appelée, avait rougi de plaisir, en mettant ses deux petites mains dans celles de son fiancé. Ce dernier s'empressait, demandait à la jeune fille, « Voulez-vous des oreillers pour la nuit ?» « Ne vous gênez pas, je puis vous en donner, ainsi qu'à ces dames qui vous accompagnent. » Raymonde refusa gaiement. « Non, non, nous ne sommes pas si douillettes. Il faut réserver ça aux pauvres malades. » D'ailleurs, ces dames parlaient toutes à la fois. Madame de Jonquière déclarait qu'elle était si fatiguée qu'elle ne se sentait plus vivre. Et elle se montrait pourtant bien heureuse. Ses regards riaient en couvant sa fille et le jeune homme pendant qu'ils causaient ensemble. Mais Berthaud ne pouvait rester là. Son service le réclamait, ainsi que Gérard. Tous deux prirent congé après avoir rappelé le rendez-vous. N'est-ce pas? Le 15 septembre, au château de Berneville. Oui, oui, c'était chose entendue. Et il y eut encore des rires, des poignées de main, tandis que les yeux, des yeux de caresse et de ravissement, achevaient ce qu'on osait dire tout haut, au milieu de la foule. « Comment ? » s'écria la petite Madame des Agneaux. « Vous allez le 15 à Berneville ? Mais si nous restons à Trouville jusqu'au 20, comme mon mari le désire, nous irons vous voir !» et elle se tourna vers Madame Wolmar, silencieuse. « Venez donc aussi, vous. Ce serait si drôle de se retrouver toutes là-bas. » La jeune femme eut un geste lent, en répondant de son air d'indifférence lasse. « Oh, moi, c'est fini le plaisir. Je rentre. » Ses yeux de nouveau se rencontrèrent avec ceux de Pierre, qui était resté près de ces dames. Et il crut la voir se troubler une seconde, tandis qu'une expression d'indicible souffrance passait sur sa face morte. Les sœurs de l'Assomption arrivaient. Ces dames les rejoignirent devant le fourgon de la cantine. Ferrand, venu en voiture avec les religieuses, y monta d'abord, puis aida sœur Saint-François à franchir le haut marchepied, et il resta debout au seuil de ce fourgon, transformé en cuisine, où se trouvaient les provisions pour le voyage, du pain, du bouillon, du lait, du chocolat, pendant que sœur Hyacinthe et sœur Claire des Anges, demeurées sur le trottoir, lui passaient sa petite pharmacie, ainsi que d'autres paquets de menus bagages. « Vous avez bien tout ?» lui demanda sœur Hyacinthe. « Bon, maintenant, vous n'avez qu'à vous coucher dans votre coin et à dormir, puisque vous vous plaignez qu'on ne vous utilise pas. » Ferrand se mit à rire doucement. « Ma sœur, je vais aider sœur Saint-François. J'allumerai le fourneau à pétrole, je laverai les tasses, je porterai les portions aux heures d'arrêt, marquées sur le tableau qui est là. Et tout de même, si vous avez besoin de médecin, vous viendrez me chercher. » Sœur Hyacinthe s'était aussi mise à rire. « Mais nous n'avons plus besoin de médecin, puisque toutes nos malades sont guéries. » Les yeux dans les siens, de son air calme et fraternel. « Adieu, monsieur Ferrand !» Il sourit encore, tandis qu'une émotion infinie mouillait ses yeux. Le son tremblé de sa voix dit l'inoubliable voyage, la joie de l'avoir revue, le souvenir d'éternelle et divine tendresse qui l'emportait. « Adieu, ma sœur !» Madame de Jonquière parlait d'aller à son wagon avec sœur Claire des Anges et sœur Hyacinthe, mais celle-ci lui assura que rien ne pressait, puisqu'on amenait à peine les malades. Elle la quitta, emmena l'autre sœur, promit de veiller à tout, et même elle voulut absolument la débarrasser de son petit sac, en lui disant qu'elle le retrouverait à sa place. De sorte que ces dames continuèrent à se promener, à causer gaiement entre elles, sur le large trottoir où il faisait si doux. Cependant, Pierre, qui, les yeux sur la grande horloge, regardait marcher les minutes, commençait à être surpris de ne pas voir Marie arriver avec son père. Pourvu que monsieur de Guersin ne se perdît pas en route, et il guettait. Lorsqu'il aperçut M. Vigneron, exaspéré, poussant furieusement devant lui sa femme et le petit Gustave. « Oh, monsieur l'abbé, je vous en prie, dites-moi où est notre wagon. Aidez-moi à y fourrer mes bagages et cet enfant. Je perds la tête. Ils m'ont jeté hors de mon caractère. » Puis, devant le compartiment de seconde classe, il éclata, saisissant les mains du prêtre, au moment où celui-ci allait monter le petit malade. « Vous imaginez-vous cela? Ils veulent que je parte. Ils m'ont répondu que si j'attendais à demain, mon billet de retour ne serait plus valable. J'ai eu beau leur conter l'accident, n'est-ce pas? Ce n'est déjà pas si drôle de rester avec cette morte pour la veiller, la mettre en bière et l'emmener demain dans les délais voulus. Eh bien, ils prétendent que ça ne les regarde pas, qu'ils font déjà d'assez grosses réductions sur les billets de pèlerinage sans entrer dans les histoires des gens qui meurent. » Madame Vigneron, tremblante, l'écoutait, pendant que Gustave, oublié, chancelant de fatigue sur sa béquille, levait sa pauvre face d'agonisant curieux. « Enfin, je leur ai crié sur tous les tons. Il y a cas de force majeure. Que veulent-ils que je fasse de ce corps? Je ne puis pas le prendre sous mon bras et le leur apporter aujourd'hui comme bagage. Je suis donc bien forcée de rester. » « Non, ce qu'il y a des gens bêtes, c'est méchant. »« Est-ce que vous avez parlé au chef de gare ?» demanda Pierre. « Ah oui, le chef de gare. Il est par là dans la bousculade. On n'a jamais pu me le trouver. Comment voulez-vous que les choses se fassent proprement au milieu d'une pétaudière pareille? Mais il faut que je le déterre, il faut que je lui dise ma façon de penser. » Et, avisant sa femme, figée, immobile, « Qu'est-ce que tu fais là? Monte donc pour qu'on te passe les bagages et le petit. » Alors ce fut un engouffrement. Il la poussa, il lui jeta des paquets, pendant que le prêtre soulevait Gustave dans ses bras. Le pauvre être, d'une légèreté d'oiseau, semblait avoir maigri encore, dévoré de plaies, si douloureux qu'il eut un faible cri. « Oh, mon mignon, est-ce que je t'ai fait du mal ?»« Non, non, monsieur l'abbé, on m'a remué beaucoup, je suis très fatiguée ce soir. » Il souriait, de son air fin et si triste. Il s'enfonça dans son coin, ferma les yeux, achevé par ce mortel voyage. « Vous comprenez, reprit monsieur Vigneron, ça ne m'amuse guère de me morfondre ici, tandis que ma femme et mon fils vont rentrer à Paris sans moi. Et il le faut bien, la vie n'est plus tenable à l'hôtel. Et d'ailleurs, me voyez-vous forcé de repayer 3 places s'ils ne veulent pas entendre raison ? Avec ça, ma femme n'a pas beaucoup de tête. Jamais elle ne saura se débrouiller. » Alors, dans un dernier essoufflement, il accabla madame Vigneron des observations les plus minutieuses. Et ce qu'elle devait faire pendant le voyage, et de quelle façon elle rentrerait dans leur appartement, et comment elle soignerait Gustave s'il avait une crise. Docile, un peu effarée, elle répondait à chaque phrase. « Oui, oui, mon ami, sans doute, mon ami. » Mais il fut repris d'une brusque colère. « Définitivement, oui ou non, sera-t-il valable mon billet de retour? Je veux le savoir pourtant. Il faut qu'on me trouve ce chef de gare. » Il se lançait de nouveau parmi la foule lorsqu'il aperçut, sur le quai, resté à terre, la béquille de Gustave. Ce fut un désastre qui lui fit lever les bras au ciel pour prendre Dieu à témoin que jamais il ne sortirait de tant de complications. Et il la jeta à sa femme. Il s'éloigna, éperdu, en criant « Tiens, tu oublies tout !» Maintenant, les malades affluaient. Et ainsi qu'à l'arrivée, dans la bousculade, c'était un charriage sans fin le long des trottoirs, au travers des voies. Tous les maux abominables, toutes les plaies, toutes les difformités défilaient une fois encore, sans que la gravité ni le nombre en parussent moindre, comme si les quelques guérisons fussent l'humble clarté inappréciable au milieu du deuil immense. On les remportait telles qu'on les avait apportées. Les petites voitures, chargées de vieilles femmes impotentes, avec leurs cabas à leurs pieds, sonnaient sur les rails. Les brancards, où gisaient des corps ballonnés, des faces pâles aux yeux luisants, se balançaient parmi les poussées de la cohue. C'était une hâte folle, sans raison, une confusion inexprimable, des demandes, des appels, des courses brusques, le tournoiement sur place d'un troupeau qui ne trouve plus la porte de la bergerie. Et les brancardiers finissaient par perdre la tête, ne sachant quel chemin suivre devant les cris d'alerte des hommes d'équipe, qui, chaque fois, épouvantaient les gens, les égaraient d'angoisse. « Attention! Attention, là-bas! Dépêchez-vous donc! Non, non, ne traversez plus! Le train de Toulouse! Le train de Toulouse !» Pierre, revenu sur ses pas, aperçut encore ces dames. Madame de Jonquière et les autres, qui continuaient à causer gaiement. Près d'elle, il écouta Berthaud, que le père Fourcade avait arrêté pour le féliciter du bon ordre pendant tout le pèlerinage. L'ancien magistrat s'inclinait, flatté. « N'est-ce pas, mon révérend père? C'est une leçon donnée à leur république. On se tue à Paris quand des foules pareilles célèbrent quelques dates sanglantes de leur exécrable histoire. » Qu'ils viennent donc ici s'instruire. » La pensée d'être désagréable au gouvernement qu'il avait forcé de se démettre le ravissait. Il n'était jamais si heureux, à Lourdes, qu'au milieu des grandes affluences de fidèles, lorsque des femmes manquaient d'être écrasées. Pourtant, il ne paraissait pas satisfait du résultat de la propagande politique qu'il y venait faire chaque année pendant 3 jours. Des impatiences le prenaient. Ça ne marchait pas assez vite. Quand donc Notre-Dame de Lourdes ramènerait-elle la monarchie ? Voyez-vous, mon révérend père, l'unique moyen, le vrai triomphe, ce serait d'amener ici en masse les ouvriers des villes. Moi, je ne vais plus songer, je ne vais plus m'employer qu'à cela. Ah, si l'on pouvait créer une démocratie catholique !» Le père Fourcade était devenu très grave. Ses beaux yeux d'intelligence s'emplirent de rêves, se perdirent au loin. Que de fois il avait donné pour but à ses efforts la création de ce nouveau peuple. Mais n'y fallait-il pas le souffle d'un autre Messie ? « Oui, oui, murmura-t-il, une démocratie catholique. Ah, l'histoire de l'humanité recommencerait !» Le père Mathias l'interrompit passionnément en disant que toutes les nations de la terre finiraient par venir, tandis que le docteur Bonamy, qui sentait poindre déjà un léger refroidissement dans la ferveur des pèlerins, hochait la tête, était d'avis que les fidèles de la grotte devaient redoubler de zèle. Lui mettait surtout le succès dans la plus grande publicité possible, donnée au miracle. Et il affectait de rayonner, il riait complaisamment en montrant le défilé tumultueux des malades. « Voyez-les donc ! Est-ce qu'ils ne partent pas avec une mine meilleure ? Beaucoup n'ont pas l'air guéris, qui emportent le germe de la guérison, soyez-en sûrs ! Ah, les braves gens ! Ils font plus que nous tous pour la gloire de Notre-Dame de Lourdes. » Mais il dut se taire. Madame Dieu l'a fait passer devant eux, dans sa caisse capitonnée de soie, et on la déposa devant la portière du wagon de première classe, où une femme de chambre déjà rangeait les bagages. Une pitié serrait les cœurs. La misérable femme ne paraissait pas s'être éveillée de son anéantissement pendant les 3 jours vécus à Lourdes, telle qu'il l'avait descendue au milieu de son luxe le matin de l'arrivée, telle les brancardiers allaient la remonter, vêtue de dentelles, couverte de bijoux, avec sa face morte et imbécile de momie qui se liquéfiait. Et on aurait dit même qu'elle s'était réduite encore, qu'on la remportait diminuée, de plus en plus rapetissée à la taille d'une enfant, dans cet horrible mal qui, après avoir détruit les os, achevait de fondre la guenille molle des muscles. Son mari et sa sœur inconsolables, les yeux rougis, écrasés par la perte de leur dernier espoir, la suivaient avec l'abbé Judaine, comme on suit un corps au cimetière. « Non, non, pas tout de suite !» dit le prêtre au porteur en les empêchant de la monter. Elle a le temps de rouler là-dedans, qu'elle garde au moins sur elle la douceur de ce beau ciel jusqu'à la dernière minute. » Puis, voyant Pierre près de lui, il l'emmena à quelques pas, reprit la voix brisée de chagrin. « Ah, je suis navrée. Ce matin encore, j'espérais. Je l'ai fait porter à la grotte. J'ai dit ma messe pour elle. Je suis revenue prier jusqu'à 11 heures. Et rien. La Sainte Vierge ne m'a pas entendu. Moi qu'elle a guéri, moi un pauvre vieil homme inutile, je n'ai pu obtenir d'elle la guérison de cette femme si belle, si jeune, si riche, dont la vie devrait être une continuelle fête. Certes, la Sainte Vierge sait mieux que nous autres ce qu'elle doit faire. Et je m'incline, je bénis son nom. Mais en vérité, mon âme est pleine d'une tristesse affreuse. » Il ne disait pas tout. Il n'avouait pas la pensée qui le bouleversait ainsi, dans sa simplicité de brave homme enfant, que jamais n'avait visité la passion ni le doute. C'était que ces pauvres gens qui pleuraient, le mari, la sœur, avaient trop de millions. C'était qu'ils avaient apporté de trop beaux cadeaux, qu'ils avaient donné trop d'argent à la basilique. On n'achète pas le miracle. Les richesses de ce monde nuisent plutôt devant Dieu. Sûrement, la Sainte Vierge n'était restée sourde pour eux, ne leur avait montré un cœur froid et sévère que pour mieux écouter la voix faible des misérables, venus à elle les mains vides, riches de leur seul amour, les comblant cela de sa grâce, les inondant de sa tendresse brûlante de mère divine. Et ces pauvres riches inexaucés, cette sœur, ce mari si malheureux près du triste corps qu'ils remportaient, ils se sentaient eux-mêmes des parias au milieu de la foule des humbles consolés ou guéris. Ils semblaient embarrassés de leur luxe, ils se reculaient, pris de gêne et de malaise, avec la honte de voir que Notre-Dame de Lourdes avait soulagé des mendiantes, tandis qu'elle était restée dédaigneuse, sans un regard, pour la belle et puissante dame agonisant dans ses dentelles. Pierre eut l'idée brusque qu'il avait pu ne pas voir M. de Guersin et Marie arriver, et que peut-être ils étaient déjà au wagon. Il y retourna. Il n'y aperçut toujours que sa valise sur la banquette. Sœur Hyacinthe et sœur Claire des Anges commençaient à s'y installer en attendant leur malade. Et comme Gérard amenait M. Sabatier dans une petite voiture, Pierre donna un coup de main pour le monter, rude besogne qui les mit en nage. L'ancien professeur, l'air abattu, très calme et résigné pourtant, se tassa aussitôt, reprit possession de son coin. « Merci, messieurs. Enfin, ça y est. Ce n'est pas malheureux. Maintenant, on n'aura plus qu'à me déballer à Paris. » Madame Sabatier, après lui avoir enveloppé les jambes dans une couverture, redescendit, resta debout près de la portière ouverte du wagon, et elle causait avec Pierre lorsqu'elle s'interrompit pour dire « Tiens, voilà Madame Maz qui vient reprendre sa place. Elle m'a fait des confidences l'autre jour, une petite femme bien malheureuse. » Obligeamment, elle l'interpella, lui offrit de veiller sur ses affaires. Mais la nouvelle venue se récriait, riait, s'agitait d'un air fou. « Non, non, je ne pars pas. »« Comment ? Vous ne partez pas ? » ?»« Non, non, je ne pars pas. C'est-à-dire, je pars, mais pas avec vous, pas avec vous. » Et elle était si extraordinaire, si ensoleillée, que tous les deux avaient peine à la reconnaître. Son visage de blonde, fané avant l'âge, rayonnait. Elle semblait rajeunie de 10 ans, tout à coup tirée de l'infinie tristesse de son abandon. Elle eut un cri, une joie qui débordait. « Je pars avec lui. Oui, il est venu me chercher. Il m'emmène. Oui, oui, nous partons à Luchon, ensemble, ensemble. » Puis, indiquant d'un regard extasié un gros garçon brun, l'air gai, la lèvre en fleurs, en train d'acheter des journaux. « Tenez, le voilà, mon mari, ce bel homme qui rit là-bas avec la marchande. Il est tombé chez moi ce matin, et il m'enlève. Nous prenons le train de Toulouse dans 2 minutes. Ah, chère madame, vous à qui j'ai dit mes peines, vous comprenez mon bonheur, n'est-ce pas ?» Mais elle ne pouvait se taire. Elle reparla de l'affreuse lettre qu'elle avait reçue le dimanche, une lettre où il lui signifiait que, si elle profitait de son séjour à Lourdes pour le relancer à Luchon, il lui refuserait sa porte. Un homme épousé par amour, un homme qui la négligeait depuis 10 ans, qui profitait de ses continuels déplacements de voyageurs de commerce pour promener des créatures d'un bout de la France à l'autre. Cette fois, c'était fini. Elle avait demandé au ciel de la faire mourir, car elle n'ignorait pas que l'infidèle était en ce moment même à Luchon avec 2 dames, les 2 sœurs, ses maîtresses. Et que s'était-il donc passé, mon Dieu ? Un coup de foudre, certainement. Les 2 dames avaient dû recevoir un avertissement d'en haut, la brusque conscience de leur péché, un rêve peut-être où elles s'étaient vues en enfer. Sans explication, un soir, elle s'était sauvée de l'hôtel, elle l'avait planté là. Tandis que lui, qui ne pouvait vivre seul, s'était senti puni à un tel point qu'il avait eu l'idée soudaine d'aller chercher sa femme, pour la ramener, la garder 8 jours. Il ne le disait pas, mais la grâce l'avait sûrement frappé. Elle le trouvait trop gentil pour ne pas croire à un vrai commencement de conversion. Ah, quelle reconnaissance j'ai à la Sainte Vierge, continua-t-elle. Elle seule a dû agir, et je l'ai bien compris hier soir. Il m'a semblé qu'elle me faisait un petit signe, juste au moment où mon mari prenait la décision de venir me chercher. Je lui ai demandé l'heure exacte. Ça concorde parfaitement. Voyez-vous, il n'y a pas eu de plus grand miracle. Les autres me font sourire, ses jambes remises, ses plaies disparues. Ah, que Notre-Dame de Lourdes soit bénie, elle qui a guéri mon cœur.